Tropikach w Trójce. Mija pierwsza godzina Polarnego w Tropikach. W drugiej idziemy jeszcze dalej w stronę nudisco i rytmów afrykańskich. W tle gra już Ursula 1000, producent nowojorski. Ponadto pojawią się bandy Gamboa, Carmon, Ngalach Oreo czy Joey Pastrana. Końcówkę zaś ponownie skieruję w stronę delikatnych brzmień. Zagrają dla nas Zanzibar, Antonin i Bekin. Jeszcze do czwartej w nocy z Brazylii gra dla Państwa Mike Polarny. assim, tá buteira. Candido vai de Belém com far. Fala assim, tá buteira. Com boca calada, nona bata pincha. Com boca calada, nona bata pincha. Nem se fugo que tengo, no arroz não é cozido. Nem se fugo que tengo, no arroz não é cozido. A nós, gêmea de mamba, som da noção do CD. A nós. Program Trzeci Polskiego Radia. wiesz, ja czuć się kocham w tobie. Dobrze o tym wiesz, ja czuć się kocham w tobie. Sama dziwię się sobie, oj. Dobrze o tym wiesz, że czuć się kocham w tobie. Kiedy się kocham w tobie. toca bonito. Com batuca, com classe, menino, espanca e faz carinho. Bielzinho, Bielzinho, como ele toca bonito. Com batuca, com classe, menino, espanca e faz carinho. Polarne w tropikach w Trójce. Daki ae. eu sou rei do maracatu. Fiz, eu fiz meu reinado, fiz meu trabuco lá nos canaviais do meu Pernambuco. Ai, ai, Orixalá. Ai, ai, meu pai Nagô. Ó, vem abençoar o meu reinado, que foi feito só de paz e de amor. Ó, vem abençoar o meu reinado, que foi feito só de paz e de amor. Ai, ai, Orixalá. Ai, ai, meu pai Nagô. Meu avô lá no Congo foi rei Bantu, mas aqui eu sou rei do maracatu. Fiz, eu fiz meu reinado, fiz meu trato lá nos canaviais do meu Pernambuco. Ai, ai, Orixalá. Abençoar o meu reinado, que foi feito só de paz e de amor. Ai, ai, Orixalá. Ai, ai, meu pai Nagô. Ó, vem abençoar o meu reinado, que foi feito só de paz e de amor. Ça fait du bien. fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Polarny w tropikach w trójce. Do końca audycji dopływamy tradycyjnie już w sposób lekki, prawie mistyczny. W tle Bekin z Haiti w utworze Kwa Pam, co po kreolsku znaczy mój krzyż. W finale zaś pojawi się Nessie Gomez, która słynie z tworzenia pięknych pieśni w atmosferze world music, folk czy muzyki medycyny. Tymi pięknymi akcentami żegnam się z Państwem i zapraszam ponownie za tydzień. Wasa se yo beki ki ma pran tout la sainte journée. Toute la nuit, moi passe à mettre la terre. Beki ya, j'bam bouton. Dans ma laine, li voye moi l'hôpital. Si pas de bien docteur, moi pas d'abla pour ma paix chante misa beken ki concours. Voilà tes beautés. L'éternel te concourra, et ta beauté sous donné. Et un jour comme ça, la barame dit c'est assez. Et t'aimes quoi à terre, a fait ma couille là, a dirigé le monde. C'est lui-même qui sa loi, mais sans lui-même. Pas qu'à vivre de miettes. Qui t'a droit ou pas de dire merci Dieu veut. Oh, qu'il est pour moi-même. Quoi pas non éternel. Faut quoi pas j'en finis. Jusqu'à ce que moi allais mourir. Jusqu'au tombeau moi allais avec. Pas j'en capable non mon petit calibre qu'elle s'est assez. Miracle ça y'a pas fait sur la terre encore. La terre trop maudit. Mais oui l'éternel vient. Et des jours me lever moi ta courir. Et des jours me lever moi ta jouer petit football. Bagay ça y'a pas pour moi. Oh fuck ma bonne bien. Sous n'est qu'un film pour me faire faire wall moi. C'est pas tout bagay moi capable de faire. Résigné ma beauté quoi ma fait courage. Si une bonne sacrifié moi, bien un jour moi tape sorti avec mon pauvre camarade. La pluie déparée, à tout ça continue sorti. Au bout de route, la pluie commence à mouiller nous. Amis à courir quitter moi, moi répouillé. Les mouvés la caille, une famille à sèche ta couloupe, des rendez-vous pour la sienne. Maman, c'est parce qu'elle va te courir. Bagay ça y'a pas qu'à faire bécane plaisir. M'a dominé, m'a dominé. Les garçons, me fait pour me gagner au compagne. D'un coup tout le monde, ma la recherche compagne, pas moi pas qu'à joindre. manje, pa gen fomaj yo, sin bon sakrive mwen. Gen yon jou mwen leve, fik son ti voisinaj. An amou, mwen dil chéri, je t'aime, li gade mwen li souri, mwen te kwen te fini veye. Et pourtant non, c'est une bêtise qui t'a passé moi. Tout bon, si une compte salue moi, sous tes malades la mémoire, sous tes accidents la mémoire, sous tes infimes la mémoire, t'as obligé à accepter. Recours à point bien, c'est un chicot à rouiller. Oh yo non point, on sait qu'on s'en. Allez-vous-en là beaucoup, chicata que vous êtes pas fini. On met des oreilles, ouais. Ça fait mal à ma vie, mon vie, le tuyau tête en moi. Moi, pour un bois guitare, moi. Bien bouteille, moi. Mal le chita, non, t'y crois. Ma dominelle, avec la vie bégaine. Ma dominelle, avec la vie bégaine. Mache la kayunga, bagun joue gamuna. Dit-on pas fait mal, ça me fait ma pépé. Pour l'éternel du mois pour moi, pour toute bagaille va finir. Pour toute bagaille va finir, bagaille va finir. Bagaille va finir. Va retirer dans la vie. W tropikach. Batirek, ani nikhna. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Postęp jest, ale do demokracji daleko. Słuchowisko archiwalne z Radia Lublin na scenie teatralnej Trójki. Jarosław Praszczałek. Chodzi nam o rząd dusz. Prymas tysiąclecia i powojenna Polska. W 1957 zawarłem porozumienie, ale tym razem powtórzę dobitnie to, co mówiłem wyraźnie już w czasach stalinowskich. Non possumus. W dniu beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli dziś po 20. Autopromocja. Ranny wzmacniacz.